Je dors au mal dans nos vies de complices. À travers nos regards se forme la malice. Pour des pauvres gars ou bien des amours caprices qui nous éloignent dans les cieux. Tout le monde en les bas, enlevons les maléfices et nous revoilà. Sans artifice, tu essuies Roman, ces pauvres gars précipices. Descends de toi, vigoureux. Sûrement tu traces des anges dignes de ta vie. Plus aucune larme, et puis tu souris. Silence mémoire, dans un bar au crépuscule. La sainte opportune est une lueur d'espoir. Ah, dans tes yeux. Ah, dans tes yeux. Dans tes yeux.